Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Est-ce qu'on fait ça? Donc, on amène Simon Fitzbé? On amène. On sur l'amène. Un plateau d'argent. Oh, mais notre plateau est rempli d'argent depuis qu'on l'a refait l'automne passé. Si les gens remarquent à la maison, on refait le plateau. Je ne sais pas si vous avez vu les flat screens partout. Puis les, c'est super beau, là. Bonjour Simon Fitzbé. Bonjour messieurs. Bon matin. Bon matin. Ça va? Oui, ça va bien et vous? Oui, sur notre nouveau plateau qui a des beaux divans. Maintenant, on peut s'étendre dans les divans pour faire la conversation, pour avoir l'air comme France Baudouin, mettons, là, les divans. On est à l'aise. On est à l'aise, les petits cartons puis tout, puis les flat screens. C'est beau notre plateau maintenant à budget. Hein? Où ça? Ah, c'est fou, là. Studio B, celui qu'on utilise moins souvent. Ou pas. Donc, Simon Fitzbé, chronique phénomène, toutes les semaines, tu nous racontes une histoire, comme on le disait, et ce mois-ci, c'est les Rolling Stones. Oui, le Rolling Fabius. Fabius Stones. Hey, on l'a l'affaire pour nommer les choses, nous, hein? Ouais. Donc, deuxième partie, on était rendu où? On était rendu, dans le fond, à la fin des années 60, hein, parce que la semaine dernière, on a vu comment, pendant les années 1960, les Rolling Stones ont su se hisser au top du rock'n'roll avec un rock cinglant et une attitude de mauvais garçon qui a su faire leur marque de commerce. Le groupe est littéralement, par contre, une histoire de succès par-dessus succès. Et par contre... Le départ et la mort de Brian Jones, membre fondateur du groupe, qui est parti du groupe et en moins d'un mois est décédé dans sa piscine, a fortement ébranlé celui-ci. On peut se demander comment le groupe allait se débrouiller dans le futur. Et messieurs, cette semaine, nous verrons les années 70 des Rolling Stones. 70s à la saveur Rolling Stones. Ouh. Et donc, le groupe s'est empressé en 1970 de remplacer Brian Jones par Mick Taylor, J-70, mais c'est plutôt 1969, qui a fait ses armes avec les Blues Breakers de John Mayall. Sa première apparition avec le groupe est programmée pour le 5 juillet dans le cadre d'un concert gratuit, seulement deux jours après la mort de Brian Jones. Et là, le groupe se demandait est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Ils ont décidé de le faire et de donner le concert en fait en hommage à Brian Jones. 250 000 personnes se sont présentées à l'événement, qui était également filmé pour la télé. Et Mick Jagger a prononcé l'éloge funèbre Adonais, écrite par Percy Bysshe Shelley, un hommage à John Keats. Ça a été écrit au 19e siècle, pour rendre hommage à Brian Jones. Il a également relâché des milliers de papillons dans la foule. C'est vraiment très beau. J'ai vu des photos. J'ai malheureusement pas vu le film, mais Mick Jagger était comme habillé, en plus dans une belle robe blanche. C'est vraiment très chic. Leur manager, entre autres, Sam Cutler, a présenté le groupe comme étant le plus grand groupe du rock and roll de la planète. Donc vraiment une appellation qui leur a collé à la peau jusqu'à aujourd'hui encore lorsqu'ils sont présentés. C'est le plus grand groupe de rock and roll de la planète. Et à la fin donc de l'année 1969, le groupe décide de mettre sur pied un grand concert gratuit également, mais cette fois-ci aux États-Unis, aussi gros que Woodstock sur la côte ouest. Woodstock avait été dans l'État de New York, donc sur la côte est. Et les Represent. Represent. East Coast Represent. Exactement, c'est le début des guerres de côte. Ouais, ouais. Et les têtes d'affiche sont alors Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, les Crosby, Stills, Nash & Young. Il y avait également Grateful Dead qui devait être là, mais avec ce qui est arrivé là-bas, ils ont décidé de pas jouer. Et les Rolling Stones devaient terminer le concert. Donc, c'est tous des groupes qui viennent de la côte ouest, d'abord. Donc, on restait très, très puristes de ce côté-là. Malheureusement, le concert tourne mal à cause de nombreux incidents. D'abord, pour sauver un peu d'argent, le promoteur de l'événement engage un groupe de motocyclistes peu connus à l'époque, nommés les Hells Angels. Les Hells Angels. Ouais, ils commençaient à faire un peu de moto, on les connaissait pas ben. Tu sais, juste le nom, ça peut te sonner une cloche. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est les Grateful Dead, en fait, qui avaient proposé, qui avaient en fait soumis la candidature des Rolling Stones, pas les Rolling Stones, mais des Hells Angels. Parce qu'il y avait déjà engagé ce groupe de motocyclistes-là pour un de leurs concerts. Et ça avait quand même bien été, parce que les Hells Angels étaient vus un peu comme les frères des hippies, un peu comme les frères dégénérés des hippies, mais les hippies les aimaient bien. Et il n'y avait pas trop de problèmes. Et ce que les Hells Angels demandaient pour faire cette sécurité-là, c'était seulement 500$ de bière comme salaire. OK, pas 500$, 500$ de bière. Oui, exactement. D'accord. Et bien important. C'est très important à spécifier. Et en plus, ils n'étaient pas intéressés à faire la police. Ils ont dit, on peut toujours aider les gens à sortir ou à rentrer du site, mais nous, on vient pour voir le spectacle, on veut avoir du fun. Et ils ont demandé, dans le fond, d'aider les gens à sortir, rentrer et aussi s'assurer que personne ne monte sur la scène et touche au générateur. Et donc, lorsque le premier incident se produit, en fait, lorsqu'un fan nommé Meredith Hunter s'élance vers la scène, il est renvoyé par l'arrière par un des Hells, bien sûr, et Hunter, qui est enragé et drogué, n'est pas vraiment enclin à opérer avec les motards. Il sort de son costume vert lime une arme à long canon et la pointe vers la scène. Avant qu'il ait la chance de tirer, un des motards le charge, lui enlève son arme et le poignarde dans le ventre. La mort de Meredith Hunter est donc une des quatre morts qui sont survenues à ce concert-là, puisque deux campeurs ont également été écrasés par une voiture et quelqu'un sous l'influence du LSD s'est jeté dans un canal et est décédé. Vous savez, des fois, on se pense plus fort qu'on est. Ouais. L'influence de drogue hallucinogène, eh bien... Mais lui, Meredith, il voulait tuer... En fait, oui, c'est ce qu'on présume. Il voulait tirer vers la scène. On ne sait pas qui est-ce qu'il voulait tirer. Mais Mick Jagger avait aussi reçu un coup de poing directement en sortant de l'hélicoptère qui le menait vers le site du concert. Donc, c'était quand même déjà assez agité. Mais également, ce concert-là a connu quatre morts, mais on a également enregistré quatre naissances aussi, donc pendant le concert. Ça compense. C'est pas sérieux. On peut dire ça comme ça. 300 000 personnes donc, ont assisté à ce qui devait être la réponse de l'Ouest à Woodstock. Malheureusement, ce concert d'Alamont représente plutôt la fin du mouvement hippie et du Peace and Love. Ça a vraiment marqué donc, la fin du rêve. Et l'année 1970, cette fois-ci, marque la naissance, la renaissance plutôt des Rolling Stones. D'abord, leur contrat avec la DECA et aussi avec Alan Klein se termine. Le groupe décide donc, à l'instar des Beatles, de mettre sur pied leur propre maison de disques Rolling Stones Records. Et c'est sur cette étiquette que paraît en mars 1971 l'album Sticky Finger. L'album qui, en plus d'avoir une pochette dessinée par Andy Warhol, comporte plutôt une forte influence blues et les pièces Brown Sugar ainsi que Wild Horses qui aident l'album à rapidement se hisser au top des palmarès. Go, go, La pièce Brown Sugar qui est tirée de l'album Sticky Finger qui est paru en 1971. Un des bons albums des Rolling Stones de la période des années 70. Ça fait partie des grands albums en fait du groupe. C'est présenté bien sûr dans le cadre de la chronique Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Wow, c'est bien ça. Émission en pièces détachées, fait avec des morceaux de qualité, c'est ça? Aïe, aïe. Tu pourrais quasiment l'animer, cette émission-là. C'est meilleur. Ouf, pas sûr. On était en 1971 avec le lancement de Sticky Finger. Et l'année suivante, afin de sauver sur les impôts, parce que ça coûtait très cher en Angleterre d'habiter là au niveau des impôts, le groupe s'exile en France dans la villa Nellcote, louée par Keith Richard. Et c'est dans ce paysage bucolique que les Rolling Stones enregistrent à l'aide d'une unité mobile, ce qui est considéré comme son meilleur album. En fait, l'album Exile on Main Street, ils étaient en exil. En France, donc exactement. Ah, rue principale, ça, rue principale. Les colocs sont pas allés chercher loin. Hein? Non. Hein? Et donc, cet album-là comportait les pièces Rock Off, Tumbling Dice, Happy, ainsi que Let It Down. C'est un album double qui se hisse également au sommet des palmarès mondiaux, charme les critiques et confirme la popularité et le talent du groupe. L'album est vu comme le plus grand album jamais réalisé par les Stones. Et même les critiques qui étaient plus ou moins favorables à cet album-là ont changé d'idée à longue de l'écoute qu'ils lui ont accordé. Et cette expérience, donc, à l'étranger, plu au groupe qui s'est embarqué dans une série de sessions d'enregistrement à l'étranger. Les Stones se retrouvent à Kingston, plutôt, où ils débutent l'enregistrement pour Goathead Soup, l'album suivant Exile. Par contre, la sortie de cet album-là est retardée maintes fois pour les problèmes juridiques liés à de nombreuses arrestations pour possession de drogue de Keith Richard, entre autres, et de Mick Jagger. Le groupe également n'est plus bienvenu au Japon et quasiment banni de l'Australie à cause de leur réputation avec les drogues. Cela étant dit, Goathead Soup est lancé en 1973. L'album qui comporte le succès mondial Angie est un autre succès commercial, mais il ne réussit pas à charmer les critiques. All the dreams we held so close seem to all go up Les Rolling Stones avec la pièce Angie qui est apparue sur l'album Goat Head Soup en 1973. Et on dit, en fait, la rumeur derrière cette pièce-là, c'est qu'elle aurait été écrite en hommage à la femme de David Bowie. Puisque Mick Jagger aurait connu une petite aventure avec David Bowie. En 1973. Avec David Bowie? Avec David Bowie, mais on dit que c'est surtout... ils ont été pris en photo dans un lit ensemble, tout habillés, mais bon, ça aurait parti des rumeurs comme quoi que... la femme de Bowie les a retrouvés. C'était bien sûr dans le cadre de Phénomène, les Rolling Stones, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Hello! Et donc, en 1974, les Rolling Stones s'exilent encore à Munich, cette fois-ci, pour enregistrer It's Only Rock'n'Roll, un album qui, malgré son succès, a connu son lot de problèmes. Le producteur Jimmy Miller, fortement affecté par sa consommation de drogue, doit laisser Keith Richards et Mick Jagger produire eux-mêmes l'album. Malgré tout le succès, Mick Taylor est là du groupe, hélas. Il est las, il est tanné. Il est là, il aime pas ça, il est tanné, ça ne l'entend plus. Hélas, ça va faire là. La consommation de drogue de Keith Richards, plutôt, minant le talent de celui-ci, ainsi que les nombreux déplacements qui impliquent les sessions d'enregistrement, ne plaisaient pas beaucoup à Taylor. De plus, il sent que sa contribution au sein du groupe n'est pas reconnue à sa juste valeur. Donc, à la fin de l'année 1974, alors que le groupe s'embarquait encore pour Munich pour enregistrer un nouvel album, Mick Taylor décide de quitter le groupe. Et les Rolling Stones se mettent donc à la recherche d'un soliste pouvant offrir la qualité musicale de Taylor. Et après avoir invité plusieurs musiciens, dont Peter Frampton ainsi que Jeff Beck en audition, le choix du groupe s'arrête sur unanimement, en plus, sur Ron Wood, guitariste au sein du groupe The Faces avec Rod Stewart. Avant que Rod Stewart était... Oui. Exact. Je voulais le dire. Oui, tu l'as, là. Tu l'as plus que moi. Et donc, il ne se joint pas aux Stones immédiatement après sa sélection, à cause, justement, de Faces, mais il participe quand même à la tournée d'Amérique du Nord. Il se joint officiellement au groupe en 1976 lorsque celui-ci lance Black and Blue, un album avec des sonorités funk et reggae frôlant presque la disco en 1976. Et en 1977, une année qui est une année à oublier pour Keith Richards. En effet, les Stones débarquent pour enregistrer à Toronto. Et Richards, lui, est arrêté pour une possession de 22 grammes d'héroïne dans sa chambre d'hôtel. Et... c'est une possession assez grande pour que ce soit présumé pour de la vente. Et donc, il fait face à quand même une grosse peine. Pour ajouter à ces problèmes, les médias font scandale lorsqu'on apprend que Margaret Trudeau, la jeune femme du premier ministre Pierre Elliott Trudeau, a fait la fête toute la nuit avec le groupe. Richards, lui, a dû éviter le Canada pendant près d'un an puisqu'il avait peur justement de la sentence qu'elle allait obtenir. Et finalement, il prend son courage à deux mains et se présente en cour et on va lui donner une sentence suspendue en échange de deux concerts gratuits pour un organisme de charité d'Oshawa. C'est quand même assez smart. Pendant ce temps-là, Mick Jagger continue sa vie jet set en se faisant voir au studio 54 ainsi que dans plusieurs soirées mondaines. Et bien que les Stones donc soient restés au sommet de leur popularité, le groupe bat de l'aile et semble se chercher pendant la seconde moitié des années 70. Les Stones sont maintenant perçus comme un gang de millionnaires vieillissants, comparés plutôt à la jeune scène punk émergente. Ils sont déconnectés un peu de leur public. Et le groupe doit maintenant se renouveler et faire face à la réalité, combattre ses problèmes de drogue et revenir au top. Comment vont-ils y arriver? C'est ce que je vous raconterai la semaine prochaine. Well, I've come home, baby. And I've been working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. What she said, ooh, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Mm. I got a woman, Teddy. out of town. But I gon' see her sometime. We make love so fast. I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said, c'est la pièce Fool to Cry tirée de l'album Black and Blue des Rolling Stones de 1976, une pièce très très nostalgique. C'est tout pour ta chronique Phénomène pour cette semaine. On te retrouve jeudi prochain à 8h. Oui. Oui. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Ça continue à Simon Fédidé, hein, qui continue sur l'heure du midi avec ta chronique dans le dîner de con. Oui. Le scoot des internets. Vas-y donc, Matt. Quoi? Le scud. Le scud des internets. Oui, j'ai oublié. Et puis le soir, jeudi soir, c'est la saveur du moment. Oui. Ton émission personnelle et personnalisée. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à l'émission ce soir? Ça va être plein de surprises. J'ai hâte d'entendre ça. Oui. Et on te retrouve aussi dans la chronique des éphémérides du rock à rock classique. Effectivement, chronique que j'adore. Oui, ben, l'émission qu'on adore aussi. Oui. Vendredi matin à 11h. Pas une patate. Une petite tape et voilà des queues pour les... Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi? Bon, là, il a fallu que je lâche ma job. Hé, comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée puis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je sois disponible pour l'écouter, hein? Ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage requis. Hein. Ça reste une émission de deux heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est... laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ah, ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage requis. avec FO et Mathieu du lundi au jeudi de 7h à 9h.